une perle de lumière qui s'échappe de la rivière. Je vais partir avant l'aube vers des pays d'or, d'émeraude une dernière fois peut-être. Je vais te dire que je t'aime si tu voulais m'accompagner là-bas. Je te ferai l'amour sur mon voilier doré. Je m'en irai vers des îles lointaines. Viens avec moi, ce monde merveilleux nous tend les bras. Si tu le veux, sur mon voilier doré, on s'en ira vers ces îles lointaines. Viens avec moi découvrir le bonheur dans un jardin noyé de fleurs. Comme une longue pluie d'orage qui fait frissonner le feuillage, mon bateau vibre sous l'écume dans les matins gris de la brume. Une dernière fois peut-être je t'aperçois à ta fenêtre. Si tu voulais m'accompagner là-bas, je te ferai l'amour sur mon